Troisième partie, chapitre 31 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 31, des divertissements et premièrement de ceux qui sont honnêtes et permis. La nécessité d'un divertissement honnête pour donner quelques relâches à l'esprit et pour soulager le corps est universellement reconnue. Le bienheureux Cassien rapporte qu'un chasseur ayant trouvé Saint Jean l'évangéliste qui se jouait d'une perdrix qu'il tenait sur le poing, lui demanda pourquoi un homme de son caractère perdait le temps à cet amusement. Et le saint, l'ayant interrogé, pourquoi il ne tenait pas toujours son arc bandé. Le chasseur lui répondit que s'il l'était toujours, il perdrait sa force. Sur cela, le saint apôtre lui répliqua « Ne vous étonnez donc pas que je donne maintenant quelques relâches à mon esprit, car ce n'est que pour le rendre plus capable de la contemplation. N'en doutons pas, c'est un vice que cette sévérité d'un esprit sauvage, qui ne veut prendre pour soi aucun divertissement, ni en permettre aucun à personne. Prendre l'air en se promenant, se réjouir dans une douce et agréable conversation, jouer du luth ou d'un autre instrument, chanter en musique, aller à la chasse, ce sont des divertissements si honnêtes que pour en bien user, il n'est besoin que de la prudence commune qui règle toutes choses selon l'ordre, selon le temps, le lieu et toutes les mesures nécessaires. Les jeux où le gain est comme le prix ou la récompense des industries et des habiletés du corps ou de l'esprit, comme les jeux de la pomme, du ballon et du mail, les courses de bagues, le jeu des échecs et des tables, ce sont des divertissements de soi-même bons et permis, et il faut seulement éviter l'excès du temps et du prix de ce que l'on y joue. Si l'on donne trop de temps au jeu, ce n'est plus un divertissement, mais une occupation, de sorte que, bien loin de soulager l'esprit et le corps, l'on en sort avec un esprit échauffé et fatigué, comme il arrive à ceux qui ont joué 5 ou 6 heures aux échecs, ou bien avec un grand épuisement de ses forces et une grande lassitude, comme il arrive à ceux qui ont joué trop longtemps à la paume. Si le prix du jeu, c'est-à-dire ce que l'on joue, est trop fort, les inclinations honnêtes des joueurs se dérèglent et deviennent des passions. Et d'ailleurs, il est injuste de proposer un tel gain pour le prix de ces industries du jeu qui sont au fond de peu d'importance et bien inutiles. Surtout, prenez garde, filoté, que vous ne vous affectionnez à tout cela, car, quelque honnête que soit un divertissement, c'est un vice de s'y porter avec inclination. Je ne dis pas qu'il ne faille prendre plaisir au jeu quand on joue, car autrement on ne se divertirait point. Mais je dis qu'il ne faut pas y mettre son affection jusqu'à le désirer, s'en empresser et s'en faire un amusement. Fin du chapitre 31, troisième partie.